Bonjour à tous et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Guimauzo. On se retrouve en compagnie de moi-même pour un nouveau coup de cœur. Et cette semaine, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo sorti en 2017, c'est-à-dire il y a un moment maintenant, puisque nous sommes en 2019. Donc c'est un jeu de genre RPG, FPS et action. Massivement multijoueur. Donc vous pouvez jouer avec vos copains, ce qui est cool. J'ai nommé Destiny 2, excusez-moi. Donc si vous êtes un tout petit peu joueur quand même, et que vous aimez tout ce qui est FPS, RPG, vous devez connaître ce jeu, parce qu'il est quand même bien connu. Surtout le 2, hein, surtout la suite. Donc celui dont je vais vous parler. Donc si vous voulez les bases du jeu, c'est que vous arrivez dans la dernière cité, après avoir créé votre personnage, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, il y a le général Gaul, Dominus Gaul, qui arrive avec sa légion rouge, donc les méchants quoi, pour envahir la cité et capturer le voyageur et la lumière. Pas très sympatoche tout ça. Et notre perso, il va s'enfuir en ayant perdu la lumière, après que la ville se soit fait littéralement défoncer par les méchants. Et donc la lumière, si vous voulez, juste c'est le pouvoir magique du héros. En gros. Et après, en fait, il va rejoindre une sorte de camp de réfugiés. Donc, ça va être un petit peu notre spawner, si vous voulez. Enfin, notre base, pardon. Donc, en gros, c'est ça l'intro. Et ensuite, le jeu un peu plus en détail, si vous voulez, plus en profondeur. Et ben, on va déjà commencer par notre perso. On va déjà commencer par parler de ça. Parce qu'il y a trois genres, on va dire. Comme dans beaucoup de jeux. Donc, il y a le magicien. Enfin, on va résumer parce que c'est pas les noms exacts. Donc, il y a le magicien. Le chasseur un peu discret, et le gros tank guerrier bien bourrin avec une attaque complètement pétée. Bon, vous connaissez les trois genres, en gros. Après, on peut un peu les personnaliser à la Skyrim, visage, corps un petit peu, mais surtout visage. Et contrairement à Skyrim, par contre, il y a plusieurs cartes dans ce jeu. Bon, certes, c'est moins grand que Bord de Ciel, hein, parce que c'est quand même un poil grand, ce Bord de Ciel. Pour ceux qui connaissent pas Bord de Ciel, c'est juste la carte de Skyrim, bref. Mais il y a quand même 4 planètes, à savoir Io, Titan, Nessos et la Terre. Notre bonne vieille Terre, là, qui est d'ailleurs la première planète, mais que j'ai citée en dernière. Oui, bon, voilà. Plus le domaine, donc notre spawner, notre repère, plus les modes compétitifs, ils sont au nombre de 4. Plus le pass, une sorte de DLC qui se actualise tous les temps de temps. Là, actuellement, c'est Renega. Enfin, il n'y a pas de quoi s'ennuyer, vous voyez, il y a pas mal de trucs à faire. Hein. Plus toutes les quêtes, la campagne, arriver level 50. Je sais pas si c'est dur, hein, parce que je suis que level 20, moi. Plus les guildes, les quêtes de guildes. Plus les events qui apparaissent toutes les 5-10 minutes, à peu près sur la carte. Vous comprenez qu'on s'ennuie pas vraiment. Oh, puis allez, un petit dernier pour la route. En plus, vu que c'est quand même multi hein, sur les cartes, tu vois tous les autres joueurs, t'as moyen de te mettre avec tes potes, tu vois, et t'amuser à faire des matchs privés, ce que tu peux faire. Des matchs privés ou juste à faire des events, à tuer des ennemis avec tes potes. Donc c'est ça l'avantage du jeu multi aussi, c'est que tu peux être avec tes potes et tout. T'es pas en solo. Bon, ça fait beaucoup de choses, hein. Vous comprenez qu'il y a. C'est un gros jeu, hein. Et j'ai passé sur une autre partie du coup qui est vachement bien aussi, bah, c'est les armes et l'équipement en général. Donc déjà, il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe dans le sens où il y a des centaines d'armes, des centaines d'armures, pas mal de vaisseaux et de véhicules terrestres, une vingtaine je crois, un truc comme ça, si je dis pas trop de bêtises. Mais tout ça est destiné à changer, dans le sens où vous avez un petit pistolet, vous êtes niveau 3, votre pistolet fait 33 dégâts, vous l'aimez bien. Et là, vous trouvez un mitrailleur qui fait genre 52 dégâts. Bah, vous le mettez. Et là, vous arrivez niveau genre 5, et vous voulez ce petit pistolet, mais il fait plus assez de dégâts pour votre niveau. Et bah, vous allez le recrafter, parce qu'il y a aussi un petit soupçon de craft. Vous allez le recrafter pour le revoir. Donc, c'est un petit truc qui est cool. Et il faut aussi savoir qu'il y a 3 types d'armes. Il y a l'arme principale, l'arme secondaire et l'arme spéciale. Et dans les armes spéciales, on peut avoir 3 ou 4 types d'armes. Donc, dans les types d'armes, il y a le meilleur truc du jeu, qui, à savoir l'épée du gros bourrin. Donc, l'épée va beaucoup mieux avec les gros tanks, comme je vous l'ai dit, voilà. Mais moi, j'ai pris un magicien de base, donc ça... Normalement, je joue au magicien gros tank, en mode... Je fonce dans ta avec une épée, c'est super bien. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont super par rapport aux armes, mais bon, on est jusqu'à demain si je joue ici tous, donc on va passer un petit peu. Parce que en vrai, il y a beaucoup de trucs à dire sur ce jeu, vraiment, parce que... Là, il y a les sacs planètes, il y a toutes les quêtes de guild, comme je vous l'ai dit avant. Il y a les matchs compétitifs, parce qu'il y a aussi de l'e-sport sur ce jeu. Hein. Il y a un truc que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus le nom, c'est encore des quêtes. Parce qu'en fait, ce jeu marche sous deux formes, sous forme de niveau, si vous voulez, et sous forme de puissance. Vous arrivez ni puissance 10-20, je crois, et après, il faut monter en puissance. Généralement, quand tu es puissance 50... quand t'es niveau 50, t'es puissance 500. Les plus forts vont être puissance 600, mais ça, c'est généralement les mecs sont vraiment forts, les mecs là. Ils ont claqué de l'argent dans le jeu, parce qu'on peut aussi acheter des trucs, évidemment. Hein. On peut encore acheter une forme d'argent spécial. Et ce jeu, par contre, il est disponible sur console, Xbox, PS, Xbox One, hein, pas en dessous, PS, PS4. Et sur PC. Sur PC, je vais vous dire vite fait trois petits points techniques qu'il faut savoir. Donc, minimum, pour PC, déjà, vous ne pourrez pas l'acheter sur Steam, il n'y est pas. Il faudra obligatoirement aller sur le site de Blizzard ou sur le site d'Activision. Hein. Et pour les joueurs de PC, il faudra au moins que votre disque dur, il ait 110 gigas à peu près, 110 Go, ben voilà, 110 gigaoctets. Et pour la config minimum, il vous faut minimum un Core i3, tu vois, ou un Intel Pentium G4560, ou un AMD FX4350. Bon, pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est du chinois ce que je raconte, hein. C'est la toute petite partie technique un poil chiante, je vous l'accorde, mais faut bien savoir ça. Parce que si vous avez pas de chance, vous avez un PC pas assez puissant, et là je vous plains. Bref. Pour la carte graphique, il faut au minimum une GTX 662 Go ou une GTX 1052 Go ou une AMD Radeon HD 7502 Go. Et concernant la mémoire vive, il faut du 6 Go minimum, du 8 ce serait bien, plus c'est parfait. Et il faut aussi avoir minimum un Windows 7 64 bits. Bon, pour ça, concernant Windows, je pense que ça devrait aller quand même. Parce que, à part les ordis préhistoriques de l'école, je ne connais pas vraiment de PC qui tourne sur en dessous de Windows 7. Hein, vu que les PC d'école tournent tous sur Windows XP. Donc, si le jeu vous intéresse et que vous avez un PC, j'espère pour vous que vous avez la config minimum pour l'installer. Parce que, vraiment, vraiment, il est super bien ce jeu. Depuis que je l'ai, je joue plus à aucun autre jeu. Hein, je vois. D'autres jeux avant, je joue plus du tout. Je joue plus qu'à ce jeu parce qu'il est trop bien. Faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas jouer plus de 3 heures par jour. Pas quand il y a cours parce que faut se concentrer sur l'école, les enfants. Sauf si vous êtes plus des enfants parce que dans ce cas-là, vous êtes majeur. Donc voilà. Bref. Et ce jeu, il vaut largement la peine d'être joué, d'être acheté, évidemment, parce qu'il n'est pas gratuit. Et pour tous ceux qui. Et je dis surtout bravo déjà pour tous ceux qui avaient déjà acheté un jeu Blizzard, car pour les fêtes, ils ont offert Destiny 2 gratuitement pour ceux qui avaient déjà un jeu Blizzard. C'était mon cas, donc je ne l'ai pas payé le jeu. Donc ceux qui l'ont eu gratos, bravo. Ceux qui n'ont pas eu gratos, bah, dommage pour vous. Et voilà. Et pour le suspense, je vous annonce déjà le thème de la semaine prochaine, qui est le regagnant. C'est le jeu Subnautica. Encore un jeu vidéo, on va rester un poil dedans là pendant qu'on y est. Donc le fameux jeu de survie sous-marine. Et je vous rappelle, avant de vous quitter, que vous pouvez réécouter cette émission gratuitement et toutes les autres émissions sur le site de Radio Gameozo. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes sur Radio Gameozo. Au revoir.